J'aime les fachos, j'aime les faux culs, j'aime les corrompus. J'aime les opportunistes, j'aime les lèches-culs, j'aime la sauce boule, j'aime la guerre. J'aime la pollution, j'aime tout le nucléaire. J'aime les politiciens, les policiers, j'aime les guerriers. J'aime les flics, j'aime les délateurs, j'aime les contrôleurs, j'aime les chercheurs, j'aime les collaborateurs, j'aime les nazis, j'aime ceux qui souffrent, mais en silence, j'aime le mal et le bien, j'aime le dénigrement de sale gueule, j'aime les violeurs, j'aime les violences, j'aime les PD, j'aime les putes, j'aime les pédophiles, j'aime les nègres, j'aime les bouilloules, j'aime les chimitocles, j'aime les russes, j'aime les fronts et les maçons, j'aime les dictateurs, j'aime les satellites, j'aime les micro-ondes, j'aime les portables, j'aime tout ce qui provoque le cancer, j'aime toutes les conneries qu'on trouve sur net, j'aime les sites pornographiques et les junkies, j'aime toutes les déviances, j'aime les propagandes, j'aime les manipulations, j'aime les mafias, j'aime les sectes, j'aime les religions, j'aime les prêtres qui abusent les petits enfants, ou le contraire, j'aime ainsi que les enfants violents ou d'autres enfants, j'aime ces lieux sales, j'aime les juges qui vont au but et qui se font sucer par les prévenus, j'aime des prévenus, non prévenus qu'ils allaient se faire niquer en toute beauté, j'aime les magasins qui ferment, j'aime des licenciés, j'aime les patrons, mais les patrons ont ruiné, j'aime les ouvriers qui ont chié pour nourrir leur bébé, j'aime les baiseurs, j'aime les baiseurs et les baisers, j'aime et tout. Et tout le reste, et j'aime tout le reste, et tout le reste, et tout le reste, portables, je déteste tout ce qui provoque les cancers, les sida et tout. toutes ces conneries, je déteste toutes les conneries qu'on trouve sur le net. Je déteste les sites pornographiques et les junkies, je déteste toutes les déviants, je déteste les propagandes, je déteste les manipulations, je déteste la mafia, je déteste les mafias, je déteste la secte et les sectes, je déteste les religions, toutes les religions, je déteste. Je déteste. Je déteste les prêtres qui abusent les petits enfants ou le contraire. Je déteste ainsi que les enfants violents. Je déteste ainsi que les enfants violents d'autres enfants. Je déteste ces vieux sales. Je déteste les juges qui vont au but et qui se font sucer par les prévenus. Je déteste les prévenus non prévenus qu'ils allaient se faire niquer en toute beauté. Je déteste. Je déteste les magasins qui ferment. Je déteste les licenciés. Je déteste les patrons. Mais les patrons ruinés. Je déteste les ouvriers qui ont chié pour nourrir leur mêlée. Je déteste les baiseurs et les baisers. Je déteste. Je déteste. Et tout le reste. Tout le reste. Je déteste. Je déteste. Je déteste. Je déteste. Je déteste tout le contraire. Je déteste. Je déteste. Je voulais, mais pas pour moi. Avoir un toit, et une maison, retrouver le sourire de ceux que j'aime. Thank you. tourné vers la Mecque et prie un Dieu qu'il ne voit pas. Il y a des rituels, il lit la Bible et parfois on dit à haute voix. Elle ne dit pas ce qu'il pense et souvent détourne le regard. Oh.